Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui dans la chronique, je vous parle de ceux qui cèdent bien souvent leur place face aux dinosaures dans le cœur des férus de paléontologie. Je vous emmène aujourd'hui à découverte de mammifères qui ont foulé le sol de notre planète il y a plusieurs centaines de milliers d'années. J'aurai ensuite la chance de recevoir Jean-Baptiste Fourvel, paléontologue et taphonome, rattaché à l'UMR 72-69 au laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique Lampéa de l'université Aix-Marseille. Il vient aujourd'hui nous parler de carnivores éteints, comme la hyène des cavernes et de leur relation avec l'être humain. Bonjour Jean-Baptiste et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Quand on parle de préhistoire, bien souvent, on pense dinosaures. Leur variété, leur taille souvent dantesque ont fasciné des générations de passionnés et continuent de faire battre le cœur de nombreux paléontologues. Le géant brachiosaure et ses 12 mètres de haut, le curieux pachycéphalosaure à la calotte osseuse qui distribuait des coups de tête plus redoutables que ceux de Zidane, l'étrange Parasaurolophus muni d'un bec de canard et d'un long tube osseux à l'arrière du crâne, ou encore l'impressionnant T-Rex que l'on ne présente plus. Les dinosaures sont apparus sur Terre pendant la période du Trias, qui s'étendait de moins 252 à moins 201 millions d'années. Ils ont prospéré pendant le Jurassique et se sont éteints lors de l'apocalyptique crise Crétacé-Paléogène il y a 66 millions d'années. Une telle diversité d'espèces et une durée de règne si longue, achevée de manière aussi brutale, laisse songeur. On a bien souvent tendance à penser que pendant ce temps-là, nos ancêtres lointains, mammifères, lamines basses, se faisaient tout petits dans l'ombre des dinos. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un mammifère au juste ? Les mammifères sont des animaux vertébrés, munis d'un squelette constitué d'os. Ils sont munis de poils sur le corps et leur température corporelle est constante. De plus, les femelles mammifères portent leurs petits à l'intérieur de leur corps lors de la gestation. Et enfin, les petits sont allaités par leur mère. On distingue trois grands groupes parmi les mammifères actuels. Celui considéré comme le plus primitif, le groupe des prototériens, est représenté par une dizaine d'espèces fossiles, mais seules trois espèces ont survécu jusqu'à nous. L'ornithorynque, qui ressemble grossièrement à un castor avec un bec de canard, et les deux espèces d'échidnés, celui à nez court et celui à nez long, au corps recouvert de piquants, muni d'une trompe souple et de pattes fouisseuses comme celles des taupes. Ces animaux, qui constituent l'ordre des monotrèmes, pondent des œufs et allaitent leurs petits, bien qu'ils ne possèdent pas de mamelles. Bizarre, mais efficace. Vient ensuite le groupe des métatériens, qui sont actuellement représentés par une faune qui peut nous paraître exotique, que l'on retrouve principalement en Australie et un peu en Amérique. Il s'agit des marsupiaux, comme les opossums, kangourous, koalas, bandicoots et autres numbats. Ces animaux possèdent tous une poche. Le fœtus, de quelques centimètres seulement, va quitter l'utérus de sa mère et va ramper jusqu'à cette poche pour y poursuivre son développement. Le dernier groupe est celui qui comporte le plus de représentants. Il s'agit des eutériens, qui réunit les mammifères munis d'un placenta, cette fameuse membrane qui entoure le corps du bébé et permet les échanges entre la mère et son petit. Chez eux, le développement du petit se fait intégralement dans l'utérus de la mère jusqu'à la naissance. Le fossile de mammifère eutérien, muni d'un placenta le plus ancien, daterait de 125 millions d'années, la fin du Crétacé, période où les dinosaures étaient bien installés. Découvert dans le nord-est de la Chine et décrit en 2002 par l'équipe de Qiangji dans le journal Nature, le petit animal a été nommé Eomaya scansoria, ce qui veut dire « mère de l'aube qui grimpe », car l'animal est équipé de longs doigts comme ceux des écureuils. Eomaya, qui mesurait 10 cm pour 20 à 25 grammes, possède des os spécifiques au niveau de l'oreille interne qui le distingue de ses ancêtres reptiles et avait le corps recouvert de poils. Ses capacités arboricoles indiquent que les mammifères colonisaient déjà à l'époque de nombreuses niches écologiques différentes. Un an après la découverte des Eomaya, une autre équipe chinoise menée par Che Xi Luo a décrit en 2013 dans le journal Science un nouveau fossile, celui de Cynodelphis salai, qui était un marsupial muni d'une poche, lui aussi âgé de 125 millions d'années. La coexistence à la même période de mammifères marsupiaux et placentaires révèle que les mammifères de cette époque étaient donc bien plus diversifiés que ce que l'on pensait. Et même si on a longtemps cru que les mammifères qui côtoyaient les dinos avaient surtout l'aspect de petites musaraignes craintives, nocturnes, tapies dans leur ombre, des découvertes du début des années 2000 ont changé la donne. La plus notable de ces avancées est sans nul doute la description du fossile de Repenomamus giganticus, publié en 2005 dans le journal Nature par l'équipe de Yaoming Hu. L'animal était bien plus gros que ce que l'on avait pu observer jusqu'alors. 1 mètre de long et un poids estimé entre 12 et 14 kilos. Mais encore plus fort, l'équipe a également décrit un squelette d'un cousin, un poil plus petit, Rapenomamus robustus, qui faisait la taille d'un opossum de Virginie. Ce fossile extraordinaire a révélé d'autres choses. Le dernier repas de l'animal avant sa mort. Dans son estomac, les scientifiques ont trouvé le squelette d'un dinosaure, un jeune Psittacosaurus. Les mammifères pouvaient donc bien faire la misère aux dinos. Après l'extinction des dinosaures, les mammifères ont pris un essor incroyable, se diversifiant de toutes les manières possibles et colonisant tous les milieux. Aujourd'hui, on estime à 5416 espèces dans le monde. Certains dépassant même les proportions extraordinaires des dinosaures, comme la baleine bleue, qui, avec ses 29 mètres de long et son poids maximal de 173 tonnes, reste à ce jour et avec ses mensurations inégalées, le plus grand animal ayant vécu sur la planète, toutes périodes confondues. Il est assez étourdissant de se dire que des mammifères géants, aujourd'hui éteints, ont foulé notre sol et ont même côtoyé Homo sapiens. Le glyptodon, par exemple, dont on a retrouvé les fossiles de plusieurs espèces en Amérique du Sud, qui ressemblait à une sorte de tatou géant recouvert d'une carapace bombée, mais dont les proportions équivalent celles de nos rhinocéros modernes. 3 mètres de long, 1 mètre 50 de long et jusqu'à 2 tonnes. Il était doté de formations osseuses au bout de la queue qu'il semblait utiliser comme une masse pour se défendre contre les prédateurs. Le mégalocéros est également l'une des stars de cette faune aux proportions impressionnantes. Imaginez un cerf de 2 mètres au garrot, comme nos élans modernes, muni de bois larges et plats comme de grandes raquettes, mesurant jusqu'à 3,6 mètres de large et pesant jusqu'à 40 kg. Un beau bébé assurément qui avait dû répondre face aux humains qui se déplaçaient à pied. Outre les autres herbivores bien connus qui ont vécu aux côtés de nos ancêtres, comme les mammouths et autres rhinocéros laineux, des carnivores redoutables exploitaient les mêmes milieux. Le plus emblématique est sans nul doute celui qu'on appelle à tort, car éloigné d'un point de vue évolutif, le tigre à dents de sabre, Smilodon et ses différents cousins. Smilodon fatalis était un félin, équipé de 2 énormes canines qui dépassaient de sa mâchoire, de la taille d'un lion moderne, mais en plus musculeux, et vivant en Amérique du Nord. Tout en haut de la chaîne alimentaire, il était capable d'abattre de grands herbivores comme des bisons et des chameaux anciens. Mais l'une des questions qui continue d'agiter les paléontologues concerne son mode de vie. Chassait-il en solitaire, comme nos jaguars actuels, ou vivait-il en groupe, comme le font nos lions modernes? La découverte du fameux gisement de la Brea en plein Los Angeles pose de nombreuses questions. Constitué de fosses à bitume, ce site unique a permis de conserver de manière exceptionnelle les animaux prisonniers de ces puits. Découvert au début du XXe siècle, ce site a permis d'extraire 1 million d'ossements fossiles issus de 650 espèces d'animaux et de végétaux. Mais de manière surprenante, 90% des mammifères découverts là-bas sont des carnivores et on a dénombré près de 2000 smilodons. Ces nombreux squelettes d'adultes et de juvéniles laissent penser que l'animal était social. Le physicien Fred Held affirme que, vu les blessures observées sur les squelettes, certains smilodons n'auraient pas pu survivre sans l'aide d'autres membres du groupe, car incapables de chasser par eux-mêmes. C'est ce qu'il affirme dans sa publication, parue en 1989 dans le Journal of Vertebrate Paleontology. D'autres études, comme celle publiée en 2003 dans le journal Brain, Behavior and Evolution par l'équipe de Sherman McCall, affirment au contraire que la taille de leur cerveau n'est pas compatible avec une vie sociale complexe et que leur guérison très rapide peut se faire sans être assistée par d'autres membres du groupe, les félins étant très résistants. Les ossements ont beau donner de nombreux indices, le mystère demeure. Toute cette impressionnante mégafaune a disparu à la fin de la dernière période glaciaire lors d'un réchauffement climatique global important. Difficile de ne pas faire un parallèle avec les changements que nous vivons aujourd'hui et de trembler pour l'avenir de nos mammifères contemporains. Les incendies hors du commun qui dévastent en ce moment même l'Australie sont en tout cas une manifestation brûlante que l'on ne peut ignorer. Mais ne perdons pas espoir. Les mammifères et la biodiversité, bien qu'en péril, sont toujours d'une diversité renversante. Et comme le disait le docteur Ian Malcolm, interprété par l'acteur Jeff Goldblum dans le film Jurassic Park, « Life finds a way ». La vie trouve toujours un chemin. revoici avec notre invité Jean-Baptiste Fourvel, paléontologue et taphonome, chercheur CNRS rattaché à l'UMR 72-69 et au laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique, l'AMPEA, de l'université Aix-Marseille. Il vient nous parler de ses travaux sur les carnivores éteints et leur relation avec l'être humain. Alors pour commencer, je voulais aborder et définir avec vous un premier nom qui peut paraître un peu barbare au commun des mortels. Vous faites de la taphonomie. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la taphonomie, en fait, c'est un champ disciplinaire qui vise à travailler sur toutes les traces qu'on va pouvoir retrouver sur les os. D'une manière assez typique, le mot taphonomie, en fait, ça signifie les lois de l'enfouissement. Mon travail va viser, en fait, à caractériser l'ensemble des altérations, des modifications et donc des traces qu'on va observer sur les os qui vont s'être produites depuis la mort de l'animal, son passage de la biocénose, donc le monde du vivant, à la thanatocénose, le monde de la mort, jusqu'à sa mise au jour suite à une fouille archéologique. Mais ça veut dire que les traces que l'on va pouvoir voir, elles peuvent être aussi bien provoquées par d'autres animaux qui ont provoqué leur trépas, mais ça peut être aussi donc des armes, si c'est de la même époque que Homo sapiens. Mais est-ce que, par exemple, tout ce qui est au niveau du sol, c'est aussi ce que vous allez... Parce que j'imagine que selon les couches, on retrouve les traces. Il y a des informations différentes. Il faut bien garder à l'esprit que, de toute façon, quand on travaille sur un site archéologique, moi, ma spécialité, c'est les carnivores et donc leur comportement. Je vais faire de la taphonomie animale via les traces de dents. Mais un site archéologique, de toute façon, ce ne sont que les témoins partiels d'une réalité ancienne. Même un site qui est 10 000 ans ou 2 millions d'années, on a tout ce laps de temps qui s'est écoulé. Donc, on a une perte d'informations. Très importante. Donc en fait, on reconstitue une histoire à partir de ces empreintes, de ces traces, qui tend à être vraisemblable. Donc ces traces, effectivement, elles peuvent être liées aux carnivores eux-mêmes, si tant est que l'animal ait été tué par un carnivore. Elles peuvent être dues à l'homme, liées à l'exploitation de cette faune, les traces bouchères par exemple, mais elles peuvent être aussi tout à fait naturelles. Ça peut être suite à l'enfouissement de l'os, des traces de racines liées aux plantes. D'accord. Si l'os n'est pas enfoui immédiatement, ça peut être des traces liées aux intempéries, ce qu'on appelle en anglais le weathering, qui va produire des traces différentes en fonction du contexte, si on est en contexte glaciaire ou en contexte désertique. Ça peut être ce qu'on va appeler du piétinement. Donc en fait, une trace involontaire liée au passage d'animaux ou d'hommes, c'est on marche sur les os, on les fait frotter sur le sol et on va se retrouver avec des petites stries de charriage ou de piétinement. Donc en fait, on a toute cette diversité de traces dont on doit chercher à caractériser, qu'on doit être capable de reconnaître pour essayer finalement, à partir d'un os, de restituer une histoire complète. Un sacré travail, donc surtout qu'il y a plein de traces très différentes, mais on va y revenir un peu plus en détail. Alors, pour rentrer un peu plus dans l'imprécision et dans votre travail à vous, sur quelle époque particulièrement travaillez-vous ? Alors moi, j'ai une période très très large. D'accord. J'ai commencé il y a quelques années en travaillant sur une période estimée, on va dire, à 100 000 ans, depuis moins 100 000 jusqu'aux phases actuelles, me spécialisant sur un animal, qui est la hyène. J'imagine qu'on y reviendra. Mais depuis, j'ai très largement élargi mon cadre et géographique et temporel, puisque maintenant, je travaille sur des sites très anciens africains, aux alentours de 2,5 millions d'années, 3 millions d'années, et jusqu'au registre tout à fait actuel, avec des animaux tout à fait contemporains et vivants. Bon, je trouve ça assez impressionnant, parce que ça veut dire qu'il faut une connaissance de l'anatomie de plein d'espèces animales, parce qu'entre 100 000 ans et beaucoup plus anciens, il y a eu une variété d'animaux carnivores très variée, justement. Alors, disons que oui et non. Oui, parce qu'on avait effectivement beaucoup d'espèces qui se baladent, mais non au sens où... Donc c'est lié à un apprentissage, mais l'ostéologie, on est tous des mammifères, donc un humérus, qu'il soit humérus humain ou de hyène ou de cerf, on va retrouver tout un ensemble de caractères qui sont communs. On va identifier facilement un humérus. Ce qui va demander un apprentissage plus long, ce sont tous les micro-détails pour différencier l'humérus de cerf de l'humérus de hyène. Et après, on rajoute encore un niveau de lecture pour distinguer l'humérus de hyène brune, par exemple, de hyène tachetée. Mais dans l'ensemble, on fait partie d'un même pool que sont les mammifères, donc un crâne restera un crâne, etc. Après, plus particulièrement sur les carnivores, même si on enregistre une diversité d'espèces importantes sur 2 millions d'années, les carnivores sont des animaux avec une évolution très très lente. Donc souvent, quand on regarde la littérature, une grosse partie des espèces, des nouvelles espèces, sont décrites à partir de petits caractères et non pas les plus gros. Encore une fois, une mâchoire de hyène il y a 2 millions d'années, dite de hyène tachetée ancienne, est très très similaire à une mâchoire de hyène tachetée actuelle venant du Kenya par exemple. Mais par exemple au niveau des marques, si par exemple vous regardez des traces sur un os d'herbivore, pour savoir si c'est telle espèce de loup ou de hyène qui vivait à cette époque-là, j'imagine que c'est très compliqué parce que les différences de taille de canine par exemple entre des espèces de hyènes sont très proches. Si tant est que la trace a été faite par la canine. C'est ça, ou d'une autre dent ou d'autre chose. Disons que pendant très longtemps, on avait tendance à considérer que les traces étaient essentiellement produites par un prédateur qu'est la hyène. Parce que la hyène a une particularité, c'est un carnivore avec une pression dentaire très importante. Entre deux dents en particulier, on a une pression qui atteint une tonne. Donc c'est un animal dit ostéophage. Donc il y avait tout un schéma de pensée qui disait que la hyène accumulait et consommait tous les os. Donc l'idée, c'est qu'elle brise les os et elle mange ce qu'il y a dedans. Elle les brise et elle les mange. D'accord. D'où l'image de la hyène qui est charognard et qui passe après tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai, au demeurant. Mais toujours est-il que, au fur et à mesure de l'avancée des recherches, et depuis plus d'une cinquantaine d'années, on s'est bien rendu compte que la hyène n'est pas la seule à produire des traces. Donc il faut déjà intégrer ce critère-là. Il faut intégrer le critère taille du prédateur par rapport à taille de la proie. Quelle dent aura agi sur l'os, voire même il faut tenir compte du contexte environnemental, parce qu'entre un animal qui est stressé et un animal qui ne l'est pas, le résultat n'est pas du tout le même. Si on s'amuse à comparer, par exemple, un loup qui n'a pas très faim, et on va lui demander de croquer une épaule d'agneau, il va mettre un petit coup de dent, un petit coup de canine, on va voir un petit point. En fait, sur l'omoplate, ou un tout petit trou, parce que c'est une petite omoplate pour un gros loup. Par contre, prenons un renard qui est surstressé, qui n'a pas mangé depuis un petit moment, et on lui donne la même épaule. Il va la ronger, il va produire des traces sur l'omoplate qui paraîtront proportionnellement comparables si ce n'est plus grandes. Et après, on peut très bien faire un blind test, donner ces pièces à des gens et dire, voilà, on a deux prédateurs, un grand et un petit, devinez lequel c'est. Et là, et ce forcément. Sera pas si évident que ça. On aura tendance à dire que celui qui fait le plus de marques, c'est le plus gros. Alors généralement, final, ou les traces les plus grosses affiliées au plus gros prédateur. En fait, on a la taphonomie animale en particulier, on pourrait aussi parler des autres, sont digne d'une rare difficulté au sens où il y a tout un nombre de variables à tenir compte qui ne sont pas uniquement des variables archéologiques au sens trace ancienne. Il faut tenir compte de l'écologie, ce qu'on va appeler du coup la paléoécologie. Donc étudier ces animaux, si je vous suis bien, ça vous donne des informations sur leur mode de vie à l'époque, mais aussi du coup sur tout le climat qu'il y avait autour d'eux. Ça peut, en effet, puisque de toute façon, par exemple, si on travaille sur une espèce, mettons, on va parler de ce que je connais le mieux, qui est la hyène. Si on travaille sur une hyène il y a 2 millions d'années, sur des sites à 100 000 ans, des sites à 30 000 ans et des hyènes actuelles, considérant le même genre, Crocuta, qui est le genre de la hyène tachetée actuelle, on va se rendre compte qu'on est face à un animal qui, certes, a la capacité de consommer des os, mais qu'en même temps, on va toujours observer des variations comportementales. Le but du jeu sera d'identifier pourquoi est-ce qu'à un moment donné, par exemple, cette hyène va peu manger les os et pourquoi dans un autre cas, elle va beaucoup manger les os. La première étape sera sûrement d'identifier le spectre de proies. Est-ce qu'elle mange que des grandes proies, des petites proies? Ça va nous donner des indications. Si par exemple, dans un site à 30 000 ans, on va retrouver beaucoup de bisons, de chevaux et de rhinos, c'est qu'a priori, on a une biomasse disponible, une quantité de viande qui est très importante. Souvent, les os sont pas aussi consommé qu'on se pourrait se l'imaginer. Ouais. À l'inverse, on va se retrouver dans d'autres sites où on va voir d'autres types de proies, plus petites, parfois beaucoup plus consommées. On peut être face à une autre période ou une autre phase qui entraîne un stress alimentaire qui va pousser la hyène à casser les os. Après, à chaque période, on va intégrer encore une autre variable, des fois qui peut être, on va dire, biogéographique. Mettons, même période, 30 000 ans, on va avoir un secteur en Europe où on va retrouver un site à hyènes des cavernes avec des os peu consommés. Et peut-être que dans un autre site contemporain, les os seront très fortement consommés. Mais si on commence à s'intéresser à la diversité des prédateurs qui sont autour, peut-être qu'on va se rendre compte que pour la même période, le comportement peut être distinct parce qu'on va avoir une pression de compétition qui va pousser la hyène à changer sa position dans la chaîne alimentaire, passer d'un statut de chasseur à un statut de très grand chasseur, à un statut de charognard, et donc consommer plus fortement les os. Et ça, c'est très bien démontré, entre autres, par les études qu'on peut faire sur les faunes actuelles. Donc, oui, ça c'est une question que je voulais creuser aussi. C'est vrai que l'étude des animaux vivants modernes peut donner des éclairages sur les comportements de ces animaux éteints. C'est même un point de départ. Quand on travaille sur des loups ou sur des hyènes ou même sur des ours, on va avoir tendance, et à juste titre, à aller voir quels sont les plus proches représentants actuels pour accéder justement à ces informations qui nous manquent, les informations du vivant. Comment est-ce qu'un prédateur vit en termes justement de groupe social, comment est-ce qu'il chasse et comment est-ce qu'il consomme. Mais après, attention, quand on travaille sur un modèle actuel, donc ce qu'on appelle l'actualisme, l'actualisme, c'est partir du principe que, par exemple, la hyène tachetée actuelle est très proche morphologiquement, paléontologiquement, de la hyène tachetée dite des cavernes. C'est la même espèce, en quelque sorte. Et on va considérer qu'a priori, elles ont strictement le même comportement. D'une part, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque si on compare un site à hyène tachetée moderne et un site à hyène tachetée fossile, on va observer des différences. Et au sein même de l'ensemble hyène tachetée moderne, ce que j'évoquais pour le fossile, on observe des différences. J'avais pu travailler, moi, sur des sites provenant de Djibouti, donc Ce sont des repères ou des zones de mise à mort où on va retrouver des eaux qui ont été consommées par la INTHT, et sur le même type de site, mais provenant du Kenya. Et on s'est rendu compte avec des collègues que finalement, pour une même espèce et pour une même phase contemporaine, elles n'ont pas du tout le même comportement. À Djibouti, les hyènes consommaient peu les eaux, ce qui était complètement l'inverse au Kenya, avec une forte consommation, une forte fragmentation osseuse. Et en fait, quand on commence à regarder tout ce qu'il y a autour, on comprend assez vite. À Djibouti, on est dans un milieu anthropisé, peu de grands prédateurs en présence, la hyène tachetée, est au top de la chaîne alimentaire, beaucoup de proies disponibles, un cheptel domestique abondant, de dromadaires, ânes, chèvres, donc beaucoup de viande à disposition. Exactement. Avec des animaux domestiques. Plus facile à attraper, des animaux qui se perdent et qui meurent. Aucune nécessité à ramener des quantités de nourriture dans un repère pour éviter la compétition avec les autres prédateurs. Aucune nécessité à casser de l'os et à dépenser de l'énergie. Il y a de la viande à disposition. Et à l'inverse, au Kenya, on était dans une zone plus sauvage, moins de cheptels domestiques et beaucoup plus de grands prédateurs. Des lions, des léopards, des licaons. De fait, la même espèce, la hyène tachetée, n'a plus la même position dans une chaîne alimentaire et doit changer de comportement. Dans ce cas-là, elle accumule un peu plus d'os dans ses repères et surtout, elle consomme ses os puisqu'elle passe après les autres. Donc elle adapte son comportement. Donc c'est vrai que quand on veut étendre des espèces qui n'existent plus, c'est vrai que sans cette échelle-là de comparaison, c'est difficile, quoi. D'où l'intérêt justement de, quand on travaille, moi mes recherches se concentrent essentiellement sur les animaux fossiles, mais une part non négligeable de mes recherches se concentre aussi sur le moderne, sur le comportement des animaux actuels. Non pas en guise de méthode, mais vraiment en termes de points de recherche, parce qu'il est nécessaire pour comprendre le comportement des espèces éteintes, d'être capable d'identifier toute la variation comportementale d'une espèce au sein d'un même cadre chronologique. Déjà, quand on aura fait un petit peu le ménage sur ça, on va comprendre un peu mieux pourquoi, sur une même phase chronologique ancienne, on observe des différences. À cela faudra bien sûr après discuter la perte d'informations liées à cette taphonomie. Et après, dresser un panneau beaucoup plus large qui va intégrer là le temps plus long et identifier toutes les variations comportementales et l'origine de ces variations au cours du temps. Mais donc, on le disait, vous avez surtout travaillé sur la hyène des cavernes. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que, alors, pareil, peut-être que remettre un petit peu de contexte. Donc, la France, à cette époque-là, il y avait plein d'autres carnivores, j'imagine. Oui, tout à fait. Comme quoi, par exemple ? Alors, on va retrouver donc la hyène des cavernes est un carnivore emblématique parce que très abondamment représenté dans les sites, mais on retrouve du loup. On va retrouver dans les petits carnivores les renards, les chats sauvages, bon, les belettes, blaireaux, etc., l'outre, les lynx. Dans les félins, on va retrouver aussi les léopards, les lions des cavernes. On va retrouver de l'ours des cavernes, on retrouve de l'ours brun, on retrouve de l'ours du Tibet. Dans les canidés, on a une espèce qui est uniquement asiatique maintenant, qui est le dol, le kuon, une espèce de chien intermédiaire entre un renard et un loup et à pelage un peu roux. Donc effectivement, on a une diversité de carnivores qui d'ailleurs n'est plus reconnaissable actuellement, puisqu'on a des taxons qui sont maintenant strictement africains, des taxons strictement asiatiques et des taxons très européens qui sont tous associés dans le même milieu. Donc il y avait toutes ces espèces-là qui cohabitaient à la même période. Oui. Et du coup, la hyène, elle est surtout intéressante parce qu'au niveau fossile, on en trouve facilement beaucoup ou il y a un autre intérêt à étudier cet animal-là en particulier ? Il y a plusieurs éléments. Historiquement, la hyène des cavernes a beaucoup intéressé les chercheurs et les naturalistes, d'une part parce qu'elle était très abondamment représentée dans les sites, et d'autre part parce qu'en effet, on a très tôt, on s'est rendu compte que la hyène fossile occupait les grottes et accumulait des restes osseux. Elle avait cette capacité à consommer les os. Les recherches aussi se sont bien concentrées sur cet animal au cours du XXe siècle, parce qu'avec le seul autre animal qui est capable de produire une forte accumulation d'ossements, c'est l'homme. D'accord. L'homme chasse, ramène ses proies chez lui, les exploite, les traite, les consomme et abandonne des choses. Donc en fait, les recherches se sont beaucoup concentrées sur la hyène des cavernes, courant de la seconde moitié du XXe siècle, afin d'identifier l'accumulation produite par la hyène des cavernes d'une part, et donc tous les caractères qui composent une accumulation produite par la hyène, et ensuite par analogie, on peut distinguer ce qui est produit par l'homme. Un dernier champ de recherche, c'est l'homme a priori est un chasseur qui souvent produit une chasse spécialisée, se concentrant sur des taxons, même si on sait qu'ils peuvent chasser toute une diversité d'espèces. La hyène a priori pioche ce qu'il y a dans son environnement. On se retrouve avec une diversité de proies beaucoup plus importante. Et parfois, au sein de ces proies, on va retrouver l'homme. D'accord, donc il y a une sorte de parallèle qui se croise, parce qu'on peut voir des similitudes entre le comportement de chasse de l'humain et celui de la hyène, mais Est-ce que l'humain pouvait chasser la hyène? Oui, on en a des traces. Okay. Alors, on sait que le mot chasse est toujours très connoté, parce qu'il est délicat d'identifier clairement, surtout si on a une pièce ou deux qui sont perdues au milieu d'un assemblage, de parler de chasse. On va parler d'exploitation. D'accord. Mais on a des sites, aussi bien en France qu'en Espagne, où on va retrouver des restes osseux de hyènes des cavernes avec des traces de découpe. Après, on a des fois des spécimens qui sont assez intéressants. C'est sur un des sites espagnols, je crois, sauf erreur de ma part, c'est Cima de los Huesos. On a un ulna de hyène, donc un os du coude, qui présente à la fois des traces de désarticulation, donc des straies de boucherie, et sur la partie supérieure de l'os, des traces de dents. D'accord. Donc en fait, on va pouvoir essayer de discuter d'une forme de chronologie. On va avoir un os de hyène qui, a priori, l'hypothèse la plus évidente serait de dire qu'elle a été exploitée par l'homme, découpé, peut-être pour de l'extraction de peau ou de viande, allez savoir. Et secondairement, cet os aura pu être attrapé, collecté par un charognard, qui peut être la hyène ou le renard ou quel que soit l'autre taxon. Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, mettre une chronologie des marques? Comment savoir ce qui est arrivé en premier? Est-ce qu'il y a une possibilité de le savoir, ça, ou ça reste dans des nombreuses hypothèses? Alors, il y a une possibilité de le savoir. Dans certains cas, on a des superpositions. D'accord. On va se retrouver avec une strie de boucherie et par-dessus cette strie, on a une trace de dent. Le cas inverse, à ma connaissance, n'existe pas. Peut-être que je me trompe, mais une trace de dent recoupée par une strie de boucherie, ce qui serait très intéressant justement pour parler de la position de l'homme dans cette chaîne alimentaire. Mais à ma connaissance, n'existe pas pour les périodes récentes dont on parle. Mais on peut discuter de cette chronologie-là. Par ce moyen-là. On peut aussi tenir compte du contexte. J'avais pu travailler sur un site provenant de... qui est dans l'Indre, où, qui était très clairement un site à hyène des cavernes, où elle consommait beaucoup de bisons. Et au milieu de cet assemblage, on avait un os avec quelques stries de boucherie et qui était mâchonné de chaque côté. A priori, cet os, il faisait un peu tache dans le décor. Donc on peut se dire que le bonhomme n'est pas venu là, pas abandonner un os comme ça par hasard. En plus, il présentait des traces de dents, donc on peut très bien supposer que dans l'environnement, dans le territoire de la hyène, à un moment donné, un homme est passé par là, ou une communauté humaine, abandonnait des restes, la hyène passe, chaparde, ramène. On vous laisse hurler à la lune et savourer une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Brujos, extrait de l'EP El Hierro del Maíz de Íñigo Ventier. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans la deuxième partie de l'émission Le NITPI, et je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Fourvel, paléontologue et taphonome, chercheur CNRS rattaché à l'UMR 72-69 et au laboratoire Lampea de l'Université d'Aix-Marseille. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, vous étudiez les ossements collectés par des carnivores éteints, comme les hyènes des cavernes, qui vivaient au Pléistocène, à la même époque que Homo sapiens. Alors, on disait un petit peu avant que c'était quand même primordial d'étudier les espèces actuelles, même s'il ne fallait pas généraliser, parce que les espèces actuelles peuvent se comporter très différemment des espèces anciennes. Et donc, vous avez été amené à travailler sur le terrain. Vous parliez de Djibouti tout à l'heure, du Kenya. Vous avez travaillé sur... parce qu'il y a plusieurs espèces de hyènes. Alors, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Est-ce que vous êtes concentré sur l'étude du comportement de l'animal, voir comment est-ce qu'il chassait, comment il s'organisait, ou est-ce que vous récoltiez des ossements issus de leurs repères pour voir les mêmes traces? Comment est-ce que ça se passait concrètement? Alors, en fait, ça dépend du type d'étude et de la problématique. Je me suis retrouvé dans la situation de travailler directement sur le comportement de l'animal. Pour le coup, pas en milieu sauvage, mais en milieu captif. Avec des collègues, dès mon master, on m'a appris à travailler sur ça. Le but du jeu, c'était d'aller nourrir des hyènes, justement, captives, pour voir quelles dents impactent l'os et comment est-ce qu'elles consomment un os, tout bêtement. Par quel côté elles commencent, comment elles désarticulent, comment elles croquent. Ça, c'est une chose. Après, je fais beaucoup de terrain en milieu sauvage. Avec différents aspects. Alors, je ne suis pas écologue de formation, donc bien évidemment, tout l'aspect écologie, une grosse partie de cet aspect-là est issu de discussions avec collègues ou avec des lectures. Dans certains cas, j'ai été amené à travailler en Afrique du Sud directement avec des groupes d'animaux, des nourrissages justement de licaons ou de lions. Donc là, on a une notion de la hiérarchie du groupe, du nombre d'individus, des âges des animaux, etc. Et après, souvent, la difficulté du milieu naturel, surtout quand on travaille de jour, c'est qu'on ne voit pas les animaux. Donc, en fait, on les cherche. Ça peut être de la prospection. J'ai récemment fait une mission sur Djibouti où, justement, pendant 15 jours, j'ai marché. Tous les jours, j'ai marché, afin de retrouver des indices d'occupation du territoire. Pas uniquement des repères. Bien évidemment, on a trouvé des repères dans lesquels on avait des os et on a collecté ces os. D'ailleurs, ça nous a permis de nous rendre compte ou de confirmer quelque chose qui était déjà connu, c'est l'interaction entre différentes espèces avec des repères occupés par des hyènes, mais aussi des petites caches annexes occupées par des porcs épics, qui eux sont aussi des collecteurs d'os et qui débarrassent les hyènes de leurs déchets. C'est une chose, mais on a aussi donc identifié toutes les traces dans l'environnement pour savoir comment la hyène ou le prédateur au sens large occupe son territoire. Ces traces-là peuvent être des crottes, qu'on identifie. Donc là, on se rapproche plus d'un travail proche de l'écologue, quand bien même on retrouve beaucoup de crottes fossilisées dans les sites anciens, et c'est un élément très important d'ailleurs. Mais aussi les empreintes au sol, les traces de pattes, savoir si on est face à un animal ou des animaux, si c'est du pas, si c'est du trot, si c'est de la course, pour discuter un peu du comportement. Ça, c'est un point. À Djibouti, je me suis retrouvé dans une autre situation en Éthiopie, où j'ai travaillé pour le coup sur une surface très petite. C'était une petite colline de 300 mètres de long par 200 mètres de large, où le but du jeu, là, n'était pas uniquement de travailler sur les hyènes. Je savais qu'on avait des hyènes tachetées, mais justement, comme au début, on a évoqué le fait que la taphonomie recouvrait beaucoup de choses, pas uniquement des traces animales, et que souvent, en fait, dans les sites, on n'a pas un seul et unique intervenant, on a un ensemble osseux, on va dire c'est un repère de hyène, mais dans le fond, c'est faux. On a un repère de hyène, plus peut-être le passage d'un renard, plus peut-être une occupation de rapaces, etc. Voilà, et on a tout un ensemble de choses, et on a toujours du mal à faire de la chronologie. On veut toujours, et ça c'est le travail de l'archéologue, essayer de situer les choses par rapport aux autres. Donc ce travail en Éthiopie, c'était aussi de la prospection sur une colline, où là j'ai enregistré toutes les données que je pouvais trouver. Donc ces données pouvaient être osseuses, donc les os avec les traces de dents, le passage des hyènes, donc pouvaient être de la coproscopie, les crottes, mais aussi distinguer les crottes des hyènes des crottes de porc-épic, des fientes de rapaces, identifier les points de nichage de rapaces, et donc les restes des proies, quels sont les proies représentées, identifier les rapaces eux-mêmes, donc les observer directement, distinguer une occupation d'une chouette effraie ou d'un faucon, c'est pas du tout la même chose, l'un va accumuler des oiseaux, l'autre des rongeurs, tout ça finalement pour arriver au point de dire, ok, il est important de parler de chronologie, mais à un moment donné, avant d'aborder cette chronologie très stricte, des fois très enfermée dans un carcan, rendons-nous compte que sur un petit espace, on a une diversité d'événements biologiques qui vont être à l'origine de la composition de sites archéologiques ou paléontologiques en devenir, et que, disons qu'aux échelles temporelles sur lesquelles on travaille, parler de chronologie au sens strict devient un petit peu délicat. C'est compliqué. S'il y a, ouais. s'il y a autant d'animaux qui interagissent au même moment et que différentes époques ensuite viennent se superposer... Et encore une fois, ça permet d'aborder cette notion que dans un écosystème, on n'a jamais un seul et unique intervenant. On a toute une diversité de choses. On n'a pas abordé l'impact des ongulés sur les eaux eux-mêmes, par exemple. On a des traces particulières parce que les ongulés, des fois, ont besoin de certains minéraux et vont ronger de l'os. Donc ça peut pas, on va avoir un donc mélange de choses. Des herbivores, des gazelles qui vont venir. On a des cerfs en Europe qui le font, qui vont ronger les bois qui sont tombés. On voit des traces assez typiques. Tout ça pour dire que finalement, quand je travaille sur le registre actuel comme ça, le but du jeu, c'est vraiment identifier le comportement animal, identifier les modalités d'occupation des territoires. Élément important quand on cherche à discuter des modalités d'occupation des territoires par les groupes humains ou animaux au paléolithique, et aussi de dire sur un même espace-temps, on peut avoir une diversité d'intervenants tellement importante qu'il est illusoire de vouloir dire dans le registre fossile, mon occupation est uniquement le fruit de tel ou tel intervenant. Oui, c'est pas représentatif de ce qui s'est réellement passé. À mon avis, à mon sens en tout cas, ça c'est mon point de vue personnel, mais quand on travaille sur des sites à 2 millions d'années qui associent des accumulations d'oiseaux, des accumulations de proies par des grands prédateurs et autres, on ne va pas dire qu'on a une accumulation primaire par un prédateur, puis après un passage secondaire de nichage d'oiseaux, puis enfin un caracal qui vient et qui ramène quelques ibis. Non, tout peut avoir eu lieu en même temps. C'est une question d'écosystème. Oui. Mais au niveau, je voulais revenir au point de vue justement écologique de ces repères, en tout cas chez les hyènes par exemple. C'est vraiment un lieu où elles ne vivent pas, juste où elles viennent poser leur réserve de nourriture, où elles peuvent aussi venir y passer la nuit, etc. Ah, le repère en tant que tel est un lieu de vie. D'accord. Alors il y a différents types de repères. C'est le travail sur l'écologie des hyènes, travail fondamental à mon sens, c'est Hans Krug dans les années 70, un écologue anglais qui avait fait sa thèse sur les hyènes tachetées. Et lui, il a observé deux types de repères essentiellement, ce qu'on appelle le communal den. Donc c'est le site où le clan de hyènes va vivre et va accumuler de l'os, si tant est qu'il en ait besoin, bien évidemment. Et après, il y a d'autres petits repères qu'on appelle des birth den. Ce sont les repères de mise bas, où D'accord. les femelles vont aller mettre bas les petits, vont les garder pendant un mois, et puis après les ramener un ou deux mois, et ensuite les ramener au clan. Et dans ces... Parce que du coup, vous parliez du porc-épic. Moi, je trouve ça intéressant, parce que le porc-épic n'est pas du tout carnivore, ou très peu. Enfin, je pense qu'il mange surtout... A priori, non. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas carnivore. C'est bien un gros rongeur. Un gros rongeur. Mais ça veut dire que lui, il vient vraiment récupérer des os pour s'user les dents. C'est vraiment la fonction primaire. Oui. Alors, c'est toujours... Je travaille sur ce genre de problématique, alors qu'encore une fois, moi, l'objet fondamental, c'est le carnivore, vraiment pour montrer que toute espèce présente dans l'environnement, et on pourrait aussi évoquer l'homme, elle a sa place et elles interagissent entre elles. Le porc-épic, ça paraît loin comme ça pour les gens à Toulouse, mais c'est aussi très intéressant pour le registre fossile. Il faut savoir qu'on avait du porc-épic en France il y a 100 000 ans, ce qui finalement, à l'échelle de la préhistoire, n'est pas si loin que ça. Dans l'Aveyron, j'ai travaillé sur un site qui était un site à hyènes, et à côté, une autre localité directement associée qui est un site à porc-épic. Et j'avais pu observer, ça c'est des travaux que j'avais fait durant ma thèse, qu'on avait un déficit, c'est-à-dire des os qui manquaient dans le site à hyènes, parmi les proies, et ces os, on les retrouvait dans la petite localité annexe qui était liée au porc-épic. Le porc-épic, il faut s'imaginer que c'est comme notre bon vieux lapin. Notre bon vieux lapin, il a des incisives qu'on dit non radiculées, c'est-à-dire sans racines, à pousse continue. Et si notre bon vieux lapin, on lui donne pas de temps en temps à ronger quelque chose d'un peu dur, une carotte entre autres, eh bien ces incisives vont pousser, et à un moment donné, il aura beau ouvrir la gueule, il pourra pas manger, il mourra de faim. Le porc-épic, c'est le même procédé. Il a des incisives non radiculées. C'est un animal a priori herbivore, mais de temps en temps, il doit ronger de la matière dure, histoire de s'user les incisives. Et en contexte africain, au milieu de savane, eh ben, il a trouvé une bonne solution, c'est qu'il va à proximité des sites à prédateurs, voire il va chipper directement sur les carcasses qui ont pris l'air, il prend de l'os, il le ramène à son repère et il le ronge tendrement. Mais c'est drôle parce qu'en plus, ça lui demande un certain effort d'aller quand même dans le repère d'un carnivore qui peut très bien le croquer pour ramener ça chez lui. Alors ça doit lui demander des efforts, mais pour avoir vu en Afrique du Sud des morceaux de girafe ramenés à son repère, a priori, il en a la capacité. Alors en plus, le porc-épic, il a aussi un autre intérêt qui historiquement est non négligeable. Dans les sites africains anciens, donc à 2 millions d'années et un peu plus récents, on avait toute cette faune-là qui perdure encore, les hyènes, les porcs-épics, les léopards et certains félins à dents de sabre. Et au début du XXe siècle, on a souvent voulu imputer la majeure partie de ces ensembles osseux à l'homme. D'accord. Donc l'homme qui chassait déjà, qui accumulait des choses, etc. Et on a aussi démontré, à cette époque-là, des pièces d'industrie osseuse, donc des outils en os. Le fait est qu'après, toutes ces hypothèses ont été partiellement démontées, d'une part en démontrant justement que la hyène avait la capacité de produire d'immenses accumulations d'ossements et qu'a priori, il y avait plus de chances que ce soit la hyène qui accumulait ses os plutôt que les hommes. Et en ce qui concerne cette industrie osseuse, en fait, c'est ce qu'on a appelé plus tard des pseudo-bone tools. Donc de pseudo-outils en os qui finalement étaient des os simplement rongés, sculptés par les porcs-épics. Qu'on attribue à l'humain alors que pas du tout. Voilà, exactement. Mais donc pour revenir aussi à l'humain, donc vous le disiez, cet intérêt pour les carnivores, c'est aussi pour étudier Homo sapiens par une voie dérivée. Alors, quel type de connaissances pouvez-vous retirer comme ça de ces études d'ossements amenés par des carnivores par rapport à nos lointains ancêtres? Alors en fait, mon approche, elle est, on va dire, analogique. C'est de la comparaison. Le fait est que, c'est comme ça que je présente mon travail, les hommes et les carnivores sont tous les deux des grands prédateurs qui, sur toute la période du Quaternaire, le Pléistocène, sur plus de 2 millions d'années, vont coexister et coévoluer dans des environnements communs. Ce sont des prédateurs qui vont en plus vouloir partager le même fond écologique avec deux aspects principaux, l'habitat, donc pour les périodes qui nous intéressent en Europe, c'est l'habitat en grotte, mais aussi les ressources alimentaires, et la viande en particulier. Le fait est qu'on a un enregistrement prédateur non humain extrêmement fin, très abondant, aussi bien dans les périodes anciennes que dans les périodes plus récentes, anciennes en Afrique, plus récentes en Europe. Donc moi, mon projet de recherche se fonde sur l'identification du comportement des animaux pour des périodes données, l'identification des variations comportementales pour une période donnée et sur une échelle de temps plus ou moins longue, pour ensuite identifier tous les facteurs à l'origine de ces variations. Et une fois que j'aurai identifié ces facteurs, je vais voir dans quelle mesure je peux les appliquer sur les variations comportementales humaines. Partant du principe qu'il y a un peu plus de 2 millions d'années, on considère que l'homme est essentiellement un charognard et une proie des grands prédateurs, il se fait manger, et qu'à la fin du Paléolithique, c'est un chasseur au top de la chaîne alimentaire. Ouais, donc quels changements ont eu lieu entre ces deux périodes? Cette image d'Épinal est bien connue. Ce serait enfoncer une porte ouverte que de dire avant on était charognard, maintenant on est chasseur. Ça, on le sait très bien. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est très distinctement, c'est à quel moment ces changements comportementaux s'effectuent et quels sont les moteurs à l'origine de ces changements. Moi, dans mes postulats de recherche, j'aurais tendance à penser que la pression de compétition, entre autres avec les grands prédateurs, est un des moteurs du changement comportemental humain. La pression liée à la compétition, parce qu'on veut acquérir les mêmes ressources, peut être aussi un bon moteur, soit pour disparaître, soit pour évoluer. Comme les hyènes qui sont obligées de manger des os ou non selon les prédateurs présents, l'humain finalement se serait adapté en fonction des prédateurs présents. À mon sens, c'est encore ce sont des choses à développer et à préciser, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de recherches de terrain, mais à mon sens, ça, bien sûr, ce n'est pas le seul critère, mais je pense que la compétition avec d'autres prédateurs joue un rôle assez moteur. Mais pour revenir toujours à l'homme et donc au fait qu'il côtoie plein d'espèces animales à cette période-là, moi forcément, je pense à un autre animal qui est le loup. Et le loup a côtoyé l'humain et on ne sait pas encore trop comment. Le fait est que les loups se sont rapprochés de plus en plus près jusqu'à ce qu'il y ait cette domestication et l'apparition du chien. Est-ce que vous avez déjà observé par exemple des traces où on voit que des loups côtoient des humains à la même période qui pourraient laisser penser qu'il y a ces premières approches entre les deux espèces? Alors le loup, c'est déjà une question compliquée en soi parce que ça fait justement partie de ces animaux qui nous permettent de montrer les limites de l'actualisme. Pour avoir travaillé sur des loups modernes, les loups modernes n'occupent pas les grottes. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Eurasie, ils n'occupent pas les grottes et ils sont souvent d'ailleurs au top de la chaîne alimentaire. Donc quand ils chassent, ils abandonnent les carcasses. Pour avoir travaillé sur des bisons et des cerfs en Pologne, on a des carcasses abandonnées et rongées. On a un autre type de site qu'on appelle des sites de rendez-vous. Ce sont des points en pied d'arbre où ils abandonnent quelques restes osseux. Et après, on va avoir des petits terriers pour la mise bas des louveteaux. Mais ça veut dire qu'ils reviennent à ces sites où que personne ne peut leur piquer leur carcasse finalement. La compétition est assez faible, donc en fait, il n'y a pas trop de risque de perte de ces ressources. Même pas avec les ours? Les ours bruns en Pologne, c'est peu. Peu plus avec les grizzlies qui sont a priori un peu plus viandard en Amérique du Nord, mais bon, on est quand même sur des... En plus, on a une différence de groupes sociaux entre des loups qui vivent en meute et des ours qui sont isolés. qui font quand même que la compétition est plus réduite. Souvent les loups. Mais effectivement, on pourrait parler des différences comportementales entre loups d'Amérique du Nord et loups de Pologne. Les loups de Pologne, comme pour les hyènes tout à l'heure, consomment peu les os, alors que les loups en Amérique du Nord consomment un peu plus les os. Parce qu'il y a plus de compétition. Parce qu'il y a sûrement plus de pression de compétition, entre autres. Mais pour en revenir à cette question-là, justement, donc le loup actuellement n'occupe pas les grottes, et pourtant, depuis maintenant, on va dire une vingtaine d'années au moins, on commence à se rendre compte assez distinctement que dans le paléolithique, le loup, vraisemblablement, occupe les cavités. D'accord. Et il fait de réelles tanières en grotte. Quel secteur de la grotte il occupe ? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on est sur des secteurs d'entrée de grotte ? Est-ce qu'il est capable d'aller au fond ? Justement, ça nous amène un petit peu à aborder ces questions de domestication, apprivoisement. Je fais la distinction parce que on sait, sur les phases récentes du paléolithique supérieur, le magdalénien entre autres, et après encore plus récent, on l'a domestiqué, le loup. On peut le démontrer par différentes approches. Entre autres, des approches archéozoologiques. Le chien est présent. Et en fait, on peut distinguer au niveau des ossements le chien du loup. On voit des différences morphologiques. Il y a certaines différences morphologiques qui existent. On peut aussi faire de la génétique. On tend à distinguer le chien du loup pour ces périodes-là. Donc ça, c'est avéré. Magdalénien, c'est quelle période ? On est aux alentours des 12 000. 12 000, ok. Donc ça, c'est bon, c'est avéré. On le sait, on a du chien à ce moment-là. Ce qui est intéressant et qui amène beaucoup plus à débat, finalement, c'est à quel moment on apprivoise le loup. C'est-à-dire que le loup est encore loup, il n'est pas chien, et il est proche de l'homme. L'homme est capable de s'en servir. Paléontologiquement parlant, a priori, l'apprivoisement, je doute fort qu'on puisse le démontrer un jour. Le loup reste un loup, il est juste en train de suivre un bonhomme dans une grotte ou ailleurs. Donc s'il retrouve sa dent, elle sera strictement similaire à un autre loup. À mon sens, c'est pas l'os qui répondra à ça. Par contre, on peut essayer de regarder d'autres indices. On peut essayer de discuter d'autres éléments. Moi, j'ai la chance depuis quelques années de travailler à la grotte Chauvet et on a d'autres indices qu'on observe pour essayer de discuter de la relation entre les hommes et les loups. Est-ce qu'on peut envisager à Chauvet un éventuel, et je mets de très gros guillemets, c'est une hypothèse en cours d'examen, est-ce qu'on peut évoquer un apprivoisement à Chauvet ? La grotte Chauvet, c'est un site particulier, donc bien connu, pour ses peintures. Il ne faut pas oublier que la grotte Chauvet n'est pas occupée que par les hommes pour faire des peintures. Il est aussi occupé par des ours des cavernes, d'accord, qui sont très abondants. Et qui vivent à la même période. Alors, a priori, les datations ont bien montré qu'on a des successions d'occupations. Homme-ours. Il n'y avait pas de colloque homme-ours, quoi. A priori, ça... non. pas trop. Quand bien même, c'est toujours la même chose avec les datations, on a des incertitudes, donc il y aura toujours une forme de recouvrement. En tout cas, il est loin d'être impossible que les hommes aient croisé des ours dans la grotte. Donc, il est toujours un petit peu sexy d'imaginer l'éventualité d'une utilisation d'un autre outil qui ne serait pas technique, mais plutôt biologique, pour aller découvrir ces cavités, en particulier les secteurs profonds. Et on va penser dans ce cas-là justement au loup, qui pourrait très bien servir comme un chien de berger qui va alerter le berger de la présence d'un éventuel problème. À Chauvet, on a des éléments pour discuter ça. Ce ne sont pas les os, pour le coup, ce sont les empreintes. D'accord. Ce qu'on appelle l'ichnologie. On travaille directement sur les empreintes au sol. Chauvet est une grotte préservée. On ne fouille pas Chauvet, on ne touche pas le sol. On ne fait que le regarder. Donc on a tout qui est en place, tel qu'il a été abandonné une fois que la grotte a été obturée, qu'il n'y a plus eu aucun accès. Okay. Donc on a les os des ours et on a les dessins en paroi et les empreintes sur le sol. Ces empreintes, alors on va retrouver du bouquetin, entre autres, il y a un bouquetin qui s'est baladé dans la grotte. Le bouquetin est troglophile, il aime bien visiter les grottes, qui a priori s'est perdu et est mort dans la grotte. Ah. On va retrouver les empreintes des ours, parce qu'effectivement ils ont bien occupé la cavité. Et après on retrouve les empreintes humaines, en différents endroits, des pieds. Donc des personnes qui ont marché. Et on retrouve des empreintes de loups. Okay. Il est toujours tentant de vouloir associer les empreintes humaines et les panneaux ornés avec ces empreintes de loups quand elles sont assez proches. On a des zones de panneaux ornés où on a très souvent des empreintes de loups au pied. On a un autre secteur où on a des empreintes de pieds humains et à proximité des empreintes de loups. Mais ça restera pour l'instant à l'état d'hypothèse pour la simple et bonne raison qu'on n'a à ce jour pas le moyen direct, on ne l'a pas encore trouvé, d'associer strictement ces empreintes entre elles. On ne peut pas dater. Le fait est que tout de suite, sauf si on trouve des éléments qui sont inclus directement dans le sédiment, mais pour l'instant, on a des empreintes qui sont proches, physiquement. Il y a peut-être 1000 ans qui les séparent. Ouais. Mais voilà, il y a toujours un petit... D'où le fait que j'ai abordé le... On ne sait pas si le loup occupe des entrées de cavités ou des zones très profondes, parce qu'a priori, dans les sites sur lesquels on pense que le loup a vécu, on va dire à l'état sauvage, on est toujours sur des secteurs d'entrée, sur des abris sous roche. Et là, la grotte Chauvet, mais ses empreintes vont jusqu'au fond de la cavité. La cavité fait quasiment 200 mètres de long. Donc c'est plutôt inhabituel. En tout cas, c'est un peu plus surprenant. Ouais. Et les peintures vont aussi jusqu'au fond de la cavité. Donc... Et au niveau de ces empreintes, donc, qui sont, donc elles sont fossilisées, elles sont marquées dans le sol, c'est ça. Il n'y a aucun moyen de différencier au niveau de la hauteur, enfin, je parle avec les bons termes, au niveau de la strate où elles se trouvent, il n'y a aucun moyen de différencier. Non, encore une fois, comme on ne fouille pas, on n'a pas de strate. Ouais, du coup. Et a priori, c'est assez surprenant, mais quand on regarde les sols, alors ces sols ne sont pas fossilisés, c'est-à-dire que si moi je glisse et que je tombe et que je mets une main par terre, ma main elle va s'imprimer dans le sol. D'accord. On y va doucement. mais en plus, ce qui est assez amusant, c'est d'observer qu'on a des empreintes d'ours, donc un animal de très forte corpulence, très lourd, qui va produire des empreintes bien marquées, mais elles ne sont jamais guère plus profondes que ce que va produire un pas humain ou un loup. Donc déjà, bon, on a ce problème-là. On a le problème aussi des passages successifs des animaux. Donc on a des zones de réel piétinement. Ce n'est pas parce qu'on a des empreintes un peu plus polies qu'elles sont forcément plus anciennes. Ça peut être des passages, un animal qui a tourné en rond. On a, voilà, pour l'instant, ce sont des hypothèses très attirantes. Mais disons qu'il faut trouver un élément supplémentaire pour finir de le démontrer. Après, peut-être que la prochaine fois que vous m'inviterez, je vous dirai « Bon, bah, finalement, ce loup, il est juste venu se balader, et puis voilà. » Mais là, tout de suite, on est dans l'étape, justement, de réelle caractérisation de ces empreintes. C'est-à-dire que, justement, moi, je poursuis pas mal les études en ichnologie actuelle, pour le coup, où, avec des collègues, on fait le tour de parcs pour prendre en photo des empreintes de loup, mais aussi des empreintes de kuon, parce qu'on a du kuon, du dol. Ouais, donc ce fameux chien ce sauvage, fameux chien roux, sauvage asiatique, voilà. On a du dol à Chauvet, donc le but du jeu, c'est aussi déjà de montrer morphologiquement et métriquement qu'on distingue les deux. Et après, on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Et une fois qu'on aura bien caractérisé ces empreintes de loup, de parler de leur répartition spatiale et d'évoquer quelques pistes parce qu'on a des situations un peu surprenantes. Donc plein de pistes pour de prochaines recherches et pour une prochaine émission, sans aucun doute. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu et de nous avoir éclairé sur la vie des carnivores d'il y a 100 000 ans et des relations qu'ils entretiennent avec Homo sapiens. On finit comme d'habitude avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, je vous propose une série documentaire et deux livres. Pour commencer, j'aimerais vous conseiller la série documentaire sur la Terre des monstres disparus, produite par la BBC et éditée par France 3 en DVD. Elle a été initialement diffusée en 2001, et oui, presque 20 ans déjà, et a été réalisée par Jasper James et Nigel Patterson. La série est constituée de 6 épisodes de 25 minutes et de 2 autres documentaires dédiés à l'avènement des mammifères d'une part et à l'évolution de la lignée humaine d'autre part. Elle est maintenant un peu datée, donc prenez certaines affirmations avec des pincettes, la science étant toujours en marche. Mais la série a fait date à sa sortie, car richement documentée, et les animaux étaient reconstitués avec soin. Mégatherium, glyptodon, smilodon et autres géants comme le Paraceratherium, ses 5 mètres au garrot et ses 15 tonnes, volent la vedette aux dinos. Les animaux recréés en images de synthèse évoluent dans des décors naturels filmés aux quatre coins de la planète. Bien qu'ancienne, cette série est une très belle initiation à la mégafaune qui peuplait notre planète. Le premier ouvrage que je voulais vous présenter s'intitule « Histoire de mammifères », issu de la collection Paléo et publié aux éditions Bréal. Il est écrit par Francis Duranton, l'actuel directeur du Muséum de Toulouse, et Sylvie Lebert, chargée de l'action éducative au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Ce petit livre de 176 pages, à couverture souple et de petit format, est un concentré de connaissances très plaisant. À la croisée de l'histoire des sciences, de l'anecdote et des dernières découvertes scientifiques, il permet de dresser un bel inventaire de mammifères anciens, de leurs particularités, tout en présentant les scientifiques à l'origine de leur découverte et les contextes historiques autour de ces avancées. Georges Cuvier et la Sarigue de Montmartre, Chester Stock et le gisement de la Bréa, ou encore plus récemment Jean-Loup Welcome et les Paraceratarium, l'ouvrage, bien qu'en noir et blanc, est richement illustré et se lit très bien et retranscrit la chronologie des connaissances et l'excitation des nouvelles découvertes avec brio. Un ouvrage très agréable pour découvrir nos très lointains cousins, certaines notions fondamentales comme l'anatomie comparée et la sélection des espèces, ou encore l'histoire de la paléontologie. Le second livre s'intitule « Les mondes perdus, une nouvelle préhistoire » paru chez Glénat et Arte Édition en 2016. L'ouvrage de 176 pages a été écrit par Marie Sterbe, Jean-Sébastien Steyer, Bertrand Loyer et Emma Baus. Le livre très richement illustré reprend des visuels de la série documentaire du même nom, réalisée par les deux derniers auteurs cités. Le livre explore les dernières découvertes, souvent liées au gisement de Liaoning, près de Pékin, source de nombreux émerveillements récents en matière de fossiles. Il traite des questions encore chaudes, comme les animaux qui vivaient sur Terre avant les dinosaures à plumes, ainsi que la fonction présumée de ces structures présentes chez des animaux qui ne semblaient pas pouvoir voler. Un chapitre est également consacré aux mammifères qui vivaient au temps des dinosaures. Un très bel ouvrage, richement documenté et instructif, qui permet de se remettre rapidement à jour. J'ajouterai également sur le site internet les références d'ouvrages plus spécialisés conseillés par notre invité. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepi.com. Je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.